Moïse n'est plus, la route continue. Une nouvelle main saisit le bâton. Le désert s'ouvre sur une promesse, mais c'est à Josué que revient la mission. Tu dis tout lieu que foulera ton pied, je te l'ai déjà donné. Mais la promesse demande encore un cœur debout, prêt à marcher. Ce que tu promets, tu l'accomplis, mais tu attends un pas de foi. Fortifie-toi, prends courage, ne crains pas, ne tremble pas, car l'Éternel marche avec toi, là où d'autres n'osent pas. Fortifie-toi, prends courage, même quand le chemin fait peur, ta promesse est plus forte que le doute, ta présence plus grande que la peur. Ce n'est pas par la force brute que l'héritage arrive à son tour. Tu bâtis des vainqueurs par l'obéissance, des conquérants par la fidélité. Et chaque pas dans la parole devient une terre de plus gagnée. Plus grand.